Tu ouvres un horizon de bénédiction. Si nous écoutons ta voix, la ville, les champs, la corbeille, la jarre, tout respire la faveur de toi. Tu dis, tu seras la tête et non la queue. Tu prêteras sans t'endetter. Tu feras de ton peuple un signe vivant de ce que ton alliance peut donner. Mais tu parles aussi des chemins où l'on ferme l'oreille à ta voix. Apprends-nous à choisir la bénédiction, à marcher dans tes voies, non par peur des conséquences. Apprends-nous à choisir la bénédiction, à prendre au sérieux ta parole, car tu veux notre vie. Pas une religion qui s'affole. Tu décris la sécheresse et la défaite, les cœurs tremblants, les nuits sans fin. Non pour nous enfermer dans la peur, mais pour nous montrer où mène le chemin. Tu ne prends pas plaisir au malheur, tu avertis avant la chute, tu cries, reviens.